Le seul, unique, yeah. Afrique, yeah. Le meute. Éloquente, la vie d'avant au continent de Chaka. Rien à voir avec nos stores et des rues. Massacre. XL comme le textile traditionnel. Oh, un cure-dent comme accessoire additionnel. Le haut les pleins crack ce soir. Je me sens seul sans le sol d'Afrique noire. J'suis Johnson sans magie. La buzz en pédagogie. Ma tête en bascule. Mes neurones bousculent. L'atmosphère se masque. Le nuage chichite parasite ma vision. Un paysage chichote à mon ouïe. La sensation d'un home sweet home. En vert, jaune, rouge, bleu. Un retour à la racine comme Alex Chabaz Hali. Je sens mes larmes couler baguera comme un guide. Une panthère noire que me guide dans ce cosmos. Les atomes cohabitent en osmose. Je m'étonne du décor du haut du Kilimanjaro. Mon cœur chante. La Jamaïque Afrique, gravé sur nos fronts. Cette côte corps, trois points en l'air. Pour ce safari, nos mics suffiront. En mémoire de nos frères liés sous fer. Continent appauvri, balafré au tronc. Trop de guerre, ma terre, un cimetière. Depuis ma naissance, authentique. J'entends nous sous les cris de l'Afrique. Le cœur meurtri, le désarroi me gagne. Pensez pour ma patrie, pas question d'ouvrir le champagne. La tristesse m'envahit, quel drame. Mes aïeux sur esclaves, Marco au fer rouge. Ma plaie fait partie de ces blessures qui ne se refermeront jamais. A jamais qu'un fri est gravé sur mon front à la marque d'esclavage. La haine qui m'animait disparaît, laissant place à la rage et la paix. Il vient furieux souffert. A leurs yeux, l'oppresseur représentait Lucifer. Seigneur, écoute ma prière. Mon peuple a souffert. Dans les chants de coton, nos chants nous aider à tenir. Les coups de fouet souffrir, oublier, mourir. L'Afrique, je me devais décrire. Le viol de femmes, le meurtre de nos enfants. Une pensée pour nos parents qui vécurent ces moments. La Jamaïque Afrique, gravé sur nos fronts. Cette côte corps, trois points en l'air. Pour ce safari, nos mics suffiront. En mémoire de nos frères liés sous fer. Continent appauvri, balafré au tronc. Trop de guerre, ma terre, un cimetière. Depuis ma naissance, authentique. J'entends nous sous les cris de l'Afrique. Ce continent vaste, large, bercé d'amour. Le mal au corps, parle d'ivoire à semer la mort. Comme le bourgeon en hiver, causant plus de descendants d'esclaves. L'homme vaniteux s'exclame, s'emparant de nos cultures. Patrie qu'il torture, du sol, s'emparant comme le pétrole qu'il tire. Bombe sur champ désert, sans désir nos peuples courbés par plaisir. À tout jamais une plaie sur le cœur, nos pigments arrachés à la racine. Comme le pissenlit acquiert le mal sur nos terres. Assassine nos vies dans l'art, par la folie de l'homme et son aisance hormonale. Hier dans les plaines, une odeur de sang ébène. Brûle ma peau, poitrine, pour ma patrie. Je lève le poing en l'air, lève le poing en l'air. La Jamaïque Afrique, gravé sur nos fronts. Cette haute corps, trois points en l'air. Pour ce safari, nos mics suffiront. En mémoire de nos frères liés sous fer. Continent appauvri, balafré au tronc. Trop de guerre, ma terre, un cimetière. Depuis ma naissance, authentique. J'entends nous sous les cris de l'Afrique. La Jamaïque Afrique, gravé sur nos fronts. Cette haute corps, trois points en l'air. Pour ce safari, nos mics suffiront. En mémoire de nos frères liés sous fer. Continent appauvri, balafré au tronc. Trop de guerre, ma terre, un cimetière. Depuis ma naissance, autant zig-zig. J'entends nous sous les cris de l'Afrique. La Jamaïque Afrique, gravé sur nos fronts. Cette haute corps, trois points en l'air. Pour ce safari, nos mics suffiront.